on aime la pub. Fidèle à tes habitudes, tu nous entubes, c'est ton attitude. Tu fais les choux gras de tout notre tracas, et sur notre misère, tu prospères. Tu manges à tous les râteliers, sport, télé-réalité qui n'a de réalité que le nom et cherche à faire du pognon. Tu prends tous les visages, le bien, la générosité, celui qui t'avantage et te rapporte du blé. Tu peux te faire mendiant, tu peux te faire rebelle, pourvu que de l'argent tombe dans l'escarcelle. Tu vois le ventre bord du moment que ça rapporte, t'es une vraie crapule, sans aucun scrupule. En aiguisant l'appétit des plus démunis. Tout au long de tes spots, y'en a que pour l'argent. Les riches sont tes potes, portés au firmament. Tu n'aimes pas les gros, détestes les moches. Te moques du prolo qui n'est qu'une cloche. Un peu de finesse dans un monde de brut. Un peu de business dans un monde de pute. Tout compte fait, t'es qu'une dégénérée. Qu'a bouffé de la connerie et qu'a pas bien digéré. Ton pouvoir de nuisance et ton arrogance n'ont d'égal que ton inconsistance. Viens me déranger alors que j'ai rien demandé. Tu nous refourques ta camelote après les infos et ses rebelotes après la météo. Tu nous laisses jamais tranquille avec tes histoires débiles, tes héros de pacotille qui viennent et nous titillent. T'as quitté le service public, décision magique, ça nous fait des vacances et un bien immense. Garde tes apéricules, tes lentilles au petit salé et viens plus nous faire chier.